entrer dans les coulisses de la recherche en histoire de l'art, explorer les parcours, les méthodes, les doutes et les passions de celles et ceux qui font vivre la discipline. Bienvenue dans un espace où le savoir se partage. Bienvenue dans les coulisses de la recherche, un podcast présenté par l'association Athéna. Bonjour à tous, c'est Arthur, bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de la recherche. Aujourd'hui j'accueille Morgane Trot, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en histoire de l'art à Sorbonne, vous êtes membre du centre de recherche André Sastel et chargée de cours à Nantes Université. Vos recherches portent sur l'art métis des couvents franciscains de la Nouvelle-Espagne au XVIe siècle. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce qu'est la Nouvelle-Espagne, quel est le contexte de là-bas au XVIe siècle, pour qu'on voit un petit peu le contour de votre sujet? Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, en effet, mettre un petit peu un cadre sur tous ces mots qui peuvent paraître assez étranges. Alors, tout d'abord, la Nouvelle-Espagne, c'est tout simplement, disons, ce qu'on appelle le Mexique actuel, mais au moment de la colonisation par la couronne de Castille. Donc, vraiment, quand l'Espagne va coloniser ces nouvelles terres américaines et donc va très rapidement l'appeler Nouvelle-Espagne au début du XVIe siècle. Ok, donc on est dans ce contexte du siècle d'après les grandes découvertes, j'imagine, avec la toute fin du 15e. On a vraiment l'importance de la colonisation dans vos recherches. Oui, de la colonisation et puis je dirais même surtout de l'évangélisation. C'est-à-dire que finalement, la Nouvelle-Espagne, en tant que possession de la couronne de Castille, elle a véritablement sa légitimité de l'évangélisation, du fait de christianiser les habitants de ces territoires, eh bien, la couronne de Castille a toute sa légitimité auprès des autres puissances européennes et surtout auprès de la papauté. Et donc, on est vraiment sur un contexte de conquête et de domination. Comment on fait une recherche sur l'art, sur l'histoire de l'art, dans un contexte si violent, finalement ? Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que, déjà, on a un peu l'impression de tout le temps un peu marcher sur des œufs. Et d'une certaine façon, c'est assez difficile, mais c'est aussi une assez bonne chose parce que il me semble que on est un peu toujours obligé d'avoir un regard critique sur ce que l'on fait parce que on est toujours à la limite aussi de faire des simplifications, des raccourcis malheureux et donc il faut toujours être sur ses gardes par rapport à ce que l'on recherche. Et je crois que c'est aussi une forme de qualité, après, sur notre réflexion et les interrogations que peuvent mener ces recherches sur ce contexte de contrainte. Bien sûr. Et dans le contexte en lui-même, de l'époque, de la violence, de la domination espagnole, comment l'art s'insère dans ce contexte ? Alors, en effet, c'est assez particulier en Nouvelle-Espagne parce que les évangélisateurs, qui sont des ordres mendiants, et notamment les franciscains, ce sont ceux qui m'intéressent le plus et ce sont les premiers arrivés sur place, eh bien les franciscains, pour pouvoir christianiser les populations, ils vont utiliser l'image. Ils vont utiliser ces images chrétiennes, religieuses, qui viennent d'Europe, de façon donc à expliquer le christianisme aux populations autochtones. Finalement, l'image est véritablement un outil didactique afin de christianiser ces populations, aussi parce qu'il y avait la barrière de la langue et que donc l'image pouvait aller au-delà de ces barrières linguistiques qui ne permettaient pas toujours la prédication et la bonne compréhension de la catéchèse. Et donc, j'imagine que ces images que les ordres ramenaient d'Europe ont forcément dû évoluer avec la nécessité d'explication qui est souvent moins importante en Europe. Et donc, les images, elles ont évolué en arrivant en Nouvelle-Espagne ? Oui. Elles ont évolué, disons, de plusieurs manières et à différents niveaux. D'abord, elles ont évolué par rapport à l'usage qu'en faisaient les franciscains eux-mêmes. Comment utiliser des images par les franciscains pour aussi porter non seulement leur, disons, leur message didactique universaliste du christianisme, mais aussi de porter un message précisément franciscain. Parce que la théologie franciscaine était aussi marquée par des courants spécifiques donc, du christianisme. Mais aussi, bien sûr, et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est finalement l'adaptation et surtout la réappropriation par les populations autochtones. Donc comment les populations autochtones, qui sont les créatrices, qui sont les artistes de ces œuvres qui ont été créées en Nouvelle-Espagne à partir de modèles européens, comment ils les transforment, pourquoi, de quelle manière. Et c'est véritablement ça, finalement, le cœur de mes interrogations. D'accord. Et donc, ils les transforment comment? On ne s'attend pas forcément à ce qu'on parle d'artistes autochtones quand on parle d'art chrétien en Nouvelle-Espagne. Et donc, c'est intéressant comment ils s'approprient finalement des figures qui ne sont pas les leurs. Eh bien, de beaucoup de manières différentes. Et c'est là ce qui est intéressant aussi avec ce sujet, c'est sa complexité, c'est le fait que justement les artistes autochtones déjà ne sont pas tous les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est autochtone que forcément on va avoir la même vision des choses. Il y a de très nombreuses cultures sur place, aussi au niveau des villes autochtones. Disons qu'on a des spécificités locales, des mythologies locales qui vont avoir un impact sur la façon de comprendre aussi les images chrétiennes, mais aussi probablement en termes d'individus. Qui sont ces artistes? On a finalement très peu de sources pour véritablement le savoir, mais ce que l'on peut voir, c'est le résultat final, justement, et d'essayer de comprendre à travers les sources franciscaines qui nous parlent d'un projet didactique, d'un projet franciscain, et finalement ce que l'on trouve visuellement aujourd'hui dans ces œuvres, de voir la différence, de voir finalement ce qu'il y a entre le projet et la réalisation finale. Et c'est dans ces interstices qu'on peut essayer justement de comprendre comment ont été faites ces réappropriations de façon évidemment multiple, mais toujours à partir d'éléments locaux et de croyances, notamment religieuses, autochtones. Est-ce que les franciscains avaient l'envie justement de cette adaptation aux sujets locaux? Ou par exemple, je pense aux jésuites quand ils arrivent au Japon au milieu du XVIe siècle, ils s'imprègnent d'abord de la culture avant d'amorcer le processus d'évangélisation. Est-ce que c'est pareil pour les franciscains en Nouvelle-Espagne? Ils cherchent d'abord à connaître et à s'adapter avant d'évangéliser, ou c'est un peu plus brutal? Oui, tout à fait. Ils essayent vraiment de connaître, de comprendre les coutumes autochtones, les coutumes sur place, déjà pour mieux évangéliser. C'est tout d'abord un sens vraiment pratique, mais aussi, on le sent justement à travers toutes ces sources franciscaines qu'on a aujourd'hui, de vraiment approfondir cette connaissance de ces cultures autochtones, de s'y intéresser pleinement, de communiquer aussi avec notamment des personnages de la noblesse locale et échanger pour comprendre aussi tous ces éléments pleinement, activement. Et c'est en même temps que va avoir lieu cette création aussi des œuvres et des images. Même si au départ, on a un petit temps, hein, quelques années, durant lesquelles les premiers évangélisateurs vont d'abord apprendre les langues et les coutumes, après, eh bien, ces évangélisateurs vont continuer à apprendre. Et en même temps qu'ils apprenaient, eh bien, il y avait précisément ce mélange, cet entremêlement aussi culturel qui était en train de se jouer dans les images, à partir aussi des mains et des systèmes de croyances autochtones et notamment des artistes. Et est-ce que cet art d'évangélisation bloque complètement la production autochtone pure, ou est-ce qu'il y a une persistance de symboles propres à la culture autochtone ou de personnages par exemple, qui plutôt que de s'adapter à l'évangélisation, se maintient et persiste comme une sorte de résistance un petit peu? Il y a évidemment des formes de persistance et même de résistance. Mais déjà, il faut définir un peu tous ces termes qui sont assez complexes en fait à prendre en main. Et c'est pour ça que je parlais aussi de multiplicité de la réception aussi de ces images chrétiennes par les populations locales et qui vont en effet le prendre en main de façon très différente. Il va y avoir une forme de persistance de certains glyphes, de certains éléments visuels qui font partie de ces cultures autochtones et en particulier donc préhispaniques qui datent d'avant l'arrivée donc des Espagnols. Mais finalement aussi ce qui va peut-être m'intéresser davantage, c'est le fait que cette utilisation, ce mélange entre des symboles préhispaniques et des éléments des images chrétiennes, eh bien, cette transformation active au présent, en tout cas du XVIe siècle, c'est aussi une façon d'avoir prise sur le monde, d'avoir une forme de pouvoir d'agir et de transformation aussi des cultures autochtones sur place qui continuent d'évoluer aussi à travers ces réappropriations. Parce que quand on parle de résistance, souvent, ben justement, on a l'impression que c'est résister contre, à l'encontre d'eux. Alors que, aussi souvent, on va voir que ces réappropriations prennent ce qui leur plaise, certains éléments spécifiques du christianisme qui les intéressent, et vont les utiliser tels quels, et vont les transformer à partir de leur propre vision des choses. D'accord. Et donc, on est, vous parlez parfois de stratégie de coexistence. Oui. Est-ce qu'on est là-dedans, vraiment dans dans un import mutuel? Où j'imagine quand même qu'il y a un rapport de force, forcément, dans la création des images. Oui, oui, bien sûr, il y a un rapport de force qui est là, qui est évidemment présent, qu'il faut toujours avoir à l'esprit, et qui crée ce cadre de contraintes aussi dans la création, bien sûr. D'accord. Parce que la programmatique et les images aussi choisies sont en partie choisies par les artistes et en partie choisies par les évangélisateurs eux-mêmes. Et cette limite de savoir où est la contrainte, quels éléments de contrainte ont été transformés, bien, c'est là tout l'enjeu justement de ma thèse. C'est d'essayer de comprendre finalement à travers la contrainte et à travers aussi ces gestes de création par l'appropriation, quelle modalité était en jeu dans chaque image, parce que très probablement, ce n'était pas la même mesure de contrainte et de réappropriation dans chaque image. Au-delà de l'image, vous évoquez aussi l'architecture et les pratiques religieuses que les ordres font évoluer pour s'adapter aux autochtones. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, en effet, les couvents sont de grands édifices, de grands complexes donc architecturaux qui sont très importants parce que ce sont ces lieux qui sont bien sûr à la fois la résidence aussi des religieux, mais aussi des lieux de culte et des lieux de catéchisme, des lieux d'apprentissage du christianisme à l'intérieur de ce cadre architectural et dans lequel, évidemment, avaient lieu les rites, des rites religieux chrétiens, mais qui là aussi étaient transformés, adaptés et réappropriés. C'est-à-dire que certains rites religieux étaient véritablement spécifiques à la Nouvelle-Espagne, du fait aussi de la réappropriation par les populations autochtones. Donc ces couvents sont très importants parce que finalement, ils montrent aussi ce réseau de christianisation qui est en train de s'installer sur l'ensemble du territoire et en plus, à l'intérieur de ces couvents qui ont une certaine forme d'autonomie, eh bien, il va se jouer cette transformation de l'image qui est assez particulière dans ces sortes de microcosmes particuliers, donc dans lesquels on va voir se jouer non seulement des éléments de création d'une image, mais aussi de création d'une forme de liturgie, d'une forme de parole, de chant qui accompagne ces images et qui sont très importants, qui m'importe beaucoup dans la question du pouvoir des images aussi. Et donc, on a compris l'importance des franciscains, mais vous avez parlé de trois grands ordres mendiants. Oui. Est-ce qu'il y a des différences entre ces trois ordres dans le processus même de création, que ce soit de l'image ou de l'architecture ? Oui, bien sûr, il y a des différences et des similitudes. Parce que donc, les franciscains arrivent en premier à partir des années 1523 et 1524, puis on a les dominicains qui arrivent quelques années plus tard, et enfin les augustins en 1533. Et chacun donc va avoir des spécificités déjà dans sa propre façon d'aborder le christianisme. De fait, dans la programmatique telle qu'elle va être pensée. Donc comment penser les programmes picturaux, les images qui vont avoir lieu dans ces grands édifices conventuels. En même temps, ces trois ordres se sont aussi mis d'accord sur un certain nombre de choses. Déjà sur un schéma architectural commun, plutôt homogène, et aussi sur le territoire à évangéliser. Ils se distribuent les territoires, en quelque sorte, de façon à ne pas trop se marcher sur les pieds. Et après, bien sûr, comme je le disais, il s'agit d'éléments finalement très importants dans les villes autochtones, ces complexes conventuels, mais aussi d'éléments plus ou moins autonomes, notamment vis-à-vis du pouvoir de l'Église et pouvoir aussi de la couronne de Castille. Et donc, on a des sortes de laboratoires de formes qui sont très particuliers et qui vont de fait être teintés de ces spécificités de ces différents ordres et de leurs propres rapports, donc, au christianisme. Et comment ça fonctionne en fait? Ce sont des religieux espagnols qui vont en Nouvelle-Espagne ou il y a également une génération de religieux qui naissent en Nouvelle-Espagne? Alors, ce sont surtout des Européens, pas que espagnols d'ailleurs, qui partent et qui sont mandatés par leur ordre et qui doivent aussi avoir l'accord de l'empereur ou du roi, en tout cas de Castille, qui va être Charles Quint pendant toute une partie de cette évangélisation. Et donc, ce sont, disons, des religieux triés sur le volet avec déjà une formation en Europe très particulière et donc avec aussi une vision de ce que c'est qu'être missionnaire, assez spécifique. Ensuite, sur place, les franciscains vont essayer de créer notamment une sorte de clergé local indigène, mais ce projet, très rapidement, ne peut pas être mené à bout, et donc, finalement, les religieux vont surtout venir d'Europe. D'accord, ok. Plus généralement, en tant que chercheuse, comment on vient à parler et à faire des recherches sur d'abord la colonisation espagnole en Nouvelle-Espagne et plus particulièrement sur le lien de cette évangélisation avec l'art produit par les autochtones? Alors, ces recherches et ce sujet de recherche, il est venu finalement assez lentement. C'est vraiment une maturation de plusieurs années parce que mes deux masters, d'ailleurs, ne portaient pas exactement sur ce sujet-là. En tout cas, c'est venu petit à petit. Tout d'abord, pour être tout à fait honnête, j'étais passionnée par la Renaissance italienne. Donc, pas vraiment de rapport direct initialement. Mais disons qu'à travers cet engouement pour cette Renaissance italienne et notamment la peinture, et aussi des voyages que j'ai pu faire au Mexique à ce moment-là et des cours d'Amérique préhispanique que j'avais aussi en parallèle. Disons que tous ces goûts vont petit à petit justement maturer et je vais essayer d'en faire quelque chose de commun, de mettre en commun toutes ces passions et de me dire donc qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet dans lequel je pourrais à la fois étudier de belles œuvres de la Renaissance italienne et aussi de belles œuvres ou des éléments culturels importants aussi du Mexique? Finalement, j'ai d'abord pensé au collectionnisme des cours italiennes au XVIe siècle, justement, des objets issus de cette évangélisation, de cette colonisation, qui sont arrivés donc en Europe. Et ensuite, finalement, cette perception européenne sur les objets mésoaméricains, j'ai un petit peu inversé, en fait, l'idée de cette perception et donc plutôt de me poser la question comment on a pu percevoir en Nouvelle-Espagne les images européennes chrétiennes. Et donc, petit à petit, ce sujet s'est créé et continue toujours d'évoluer, en fait, au fur et à mesure des recherches. Et donc, vous nous avez parlé de deux masters. Est-ce que vous pourriez évoquer avec nous un petit peu plus votre parcours en tant qu'étudiante avant de devenir doctorante? Alors, justement, ma première année de master, c'était encore dans le cadre de l'histoire de l'art moderne et justement de cette question du collectionnisme italien des objets mésoaméricains. Ensuite, je suis partie pendant un an au Mexique pour donner cours de français dans une université parce que j'avais besoin aussi de ressentir, enfin d'être vraiment sur place parce que évidemment le Mexique, même si j'y étais allée en voyage, cela restait un petit peu éloigné et inconnu. Et donc, après cette année de césure au Mexique d'enseignement, en revenant, j'ai voulu davantage donc axer mes recherches sur quelque chose de mexicain. Et donc, je me suis intéressée à une monographie sur un couvent franciscain, le couvent de Tepeapulco, sur lequel il n'y avait pas encore énormément de recherches approfondies et sur lequel j'ai commencé à me poser ces questions de l'image et de l'image d'évangélisation. Et ensuite, justement, la thèse me paraissait naturelle parce que j'ai adoré écrire, rechercher, réfléchir. Mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Vous avez commencé dès votre master à évoquer ces questions de la Nouvelle-Espagne et d'un des premiers couvents. Est-ce qu'il y a un exemple concret qui a marqué votre parcours de recherche, une œuvre, un lieu spécifique qui vous a marqué, que vous pourriez un petit peu plus nous évoquer? À Tepe Apulco, déjà, il faut dire que dans ce couvent, il y a des peintures absolument magnifiques. Vraiment des peintures murales splendides. Et j'ai eu la chance, justement, en allant au Mexique, en allant sur place, de aussi me faire accueillir par des personnes qui s'intéressaient à l'histoire de ce couvent, des personnes qui travaillaient dans ce couvent, et notamment un historien local qui m'a fait visiter aussi des endroits inconnus de ce couvent, enfin qui ne sont pas ouverts au public. Et de découvrir tout ça sur place, ça m'a vraiment marquée. Je crois que ça a été en tout cas un moment très important pour que je me décide vraiment à continuer sur ces recherches-là. Et pour parler d'une œuvre en particulier, peut-être que je peux parler d'un Saint-Sébastien, justement, qui se trouve dans ce couvent et qui représente donc un Saint-Sébastien assez traditionnel, hein, avec ce saint qui est représenté sur son arbre attaché avec ses flèches dans le corps et le sang qui dégouline de ses plaies. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les bourreaux qui sont en train de martyriser le saint, eh bien, ils sont vêtus à l'espagnol, comme des colons, comme des conquistadors espagnols. Et donc, de voir cette image qui est à la fois si familière et si étrange, je crois que ça m'a beaucoup marquée. Et bah, justement, vous nous parlez de Saint-Sébastien avec des bourreaux conquistadors. Est-ce que les commanditaires ou les ordres qui ont commandé ce Saint-Sébastien se rendent compte que c'est un peu eux-mêmes qui sont représentés en bourreau? Quelle est la réception de ces images par les Espagnols? En fait, quand on parle d'Espagnol, il faut vraiment faire la distinction entre les différentes classes aussi de la société notamment, en particulier entre les évangélisateurs et les colons ou conquistadors. Parce que finalement, je le disais, ces complexes conventuels sont vraiment autonomes. Les Espagnols n'avaient pas vraiment le droit de venir non seulement dans ces complexes conventuels, mais aussi dans ces villes qui étaient des pueblos de indios, c'est-à-dire des villes réservées aux autochtones, réservées à l'évangélisation des autochtones. Donc finalement, les seuls Européens de ces villes, c'étaient les évangélisateurs eux-mêmes. Ils pouvaient un peu faire la loi comme ils le souhaitaient. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en partie. D'une certaine façon, on a déjà une distinction. Et de fait, les évangélisateurs eux-mêmes vont mettre l'accent sur cette distinction parce que, eh bien, ils voyaient bien que le modèle des conquistadors, donc évidemment violent, oppresseur, cela n'était pas un très bon exemple chrétien. Et eux, les évangélisateurs, souhaitaient surtout christianiser. Donc, il fallait donner un bon modèle chrétien qui ne serait pas celui des conquistadors. Et donc, de mettre à distance avec une image dépréciative les conquistadors, c'est une façon de dire « eux, ce ne sont pas de bons chrétiens. Nous, nous sommes de bons chrétiens et vous, vous devez faire comme nous. Et vous êtes d'ailleurs plus proche de nous que de ces conquistadors. Donc, finalement, vous êtes plus proche de cette sensibilité chrétienne originelle qui était défendue par les évangélisateurs. » D'accord. Donc, quand on imagine une sorte de grande tsunami de colonisation et d'évangélisation, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité, finalement. Non, pas du tout. Et donc aujourd'hui, en parallèle de vos recherches, vous avez d'abord été chargé de TD à la Sorbonne, puis chargé de cours ici à Nantes Université. D'abord, d'un point de vue personnel, comment on associe une vie d'enseignante avec une vie de chercheuse? Et surtout, est-ce que pour vous, la transmission, surtout dans des domaines particuliers comme l'art colonial, est important dans vos recherches? Pour moi, c'est vraiment très important, la transmission. C'est vraiment le cœur, en tout cas, de ce qui, pour moi, a une véritable valeur dans ce métier aussi de la recherche. Parce que finalement, la recherche sans enseignement, ça me paraît, en tout cas, personnellement, vide de sens. parce que je crois que les recherches, en tout cas moi telles que je les mène, c'est bien sûr en partie pour moi, mais c'est aussi beaucoup pour les autres et pour essayer de faire comprendre aussi des choses sur le monde, non pas seulement aux autres, mais aussi à moi. Disons que ça va dans les deux sens, parce que c'est ce que j'ai pu expérimenter dans mon enseignement ici à Nantes, où j'ai eu vraiment la chance de pouvoir donner un cours magistral sur ma spécialité. C'est vraiment une grande chance. Et j'ai pu donner ces cours sur l'art colonial mexicain, alors même qu'à ce moment-là, j'étais encore en train de faire mes recherches et écrire sur ma thèse. Et donc, c'était, disons, une matière qui était encore changeante, mouvante. En tout cas, pas tout simplement des informations que tout le monde connaissait. Et donc, pouvoir donner ces cours, c'était aussi une façon de pouvoir échanger aussi avec les étudiants, qui sont aussi presque davantage ancrés dans le présent et dans tous les questionnements, toutes les interrogations contemporaines qui sont bien sûr extrêmement importantes, et de pouvoir échanger avec eux, essayer de comprendre aussi pourquoi ils se posaient certaines questions que je ne m'étais pas forcément posées. Eh bien, tous ces échanges ont été vraiment très fructueux, je crois, pour mes recherches. Et c'est vraiment en cela que je crois que la transmission est vraiment un pilier de la recherche. Vous avez un petit peu évoqué les enjeux contemporains qui peuvent être liés à vos recherches. Il y a un mouvement aujourd'hui de décolonisation de l'historiographie, de l'histoire de l'art. Est-ce que ces débats vous ont influencé ou, j'imagine, influencent encore votre champ de recherche? Et est-ce que vous pensez que l'accent sera davantage mis sur ces questions contemporaines dans les prochaines années? Oui, je crois. Je crois que c'est vraiment, en tout cas, des interrogations très intéressantes. Je crois que pour moi, c'était vraiment nécessaire aussi de me poser ces questions-là au fur et à mesure du temps, parce que j'ai fait quand même une thèse assez longue. Et durant ces années, c'est aussi toutes ces interrogations-là qui ont pu macérer, maturer, parce qu'en fait, ces questions ne sont absolument pas simples et qu'il faut du temps pour les prendre en main, pour les comprendre, d'autant que, en effet, quand on parle de problématiques coloniales, il y a bien sûr toujours de nombreuses similitudes, hein, justement sur la violence, sur la contrainte, etc. Mais il y a aussi beaucoup de spécificités historiques, locales, et de faire cette différence et en même temps d'essayer de comprendre ce qui traverse aussi toutes ces problématiques coloniales. Je crois que c'était vraiment très important pour moi. Et c'est aussi cela qui a mis beaucoup de temps à maturer dans ma thèse. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai fait une thèse longue. Je crois que tous les sujets n'ont pas forcément besoin d'une thèse très longue, mais parfois certains sujets en ont réellement besoin pour comprendre aussi tout ce qui est sous-jacent. Et qui n'est vraiment pas simple, surtout quand on parle justement de colonisation. J'imagine qu'il faut s'immerger dans le contexte de cette époque, surtout dans un contexte si particulier. Comment, en tant qu'historienne de l'art, vous êtes immergée pour comprendre, même si c'est sur le temps long, comprendre l'époque de la colonisation? Est-ce qu'il y a un travail à faire dans les archives, un travail avec des sources particulières? Alors, pour le XVIe siècle, et notamment pour l'évangélisation franciscaine, les grandes sources utilisées, eh bien, ce sont directement les écrits des missionnaires franciscains, parce qu'ils ont beaucoup écrit. Donc déjà, ça nous donne beaucoup d'éléments pour comprendre leur point de vue. Et je crois que ça m'a aidé justement d'avoir ces sources initialement pour regarder les choses depuis leur point de vue, en étant bien conscient, bien sûr, qu'il s'agit de leur point de vue. Et finalement, c'est ce qui va aussi pouvoir m'amener par la suite à me dire, à me demander en tout cas, s'il y a une différence entre leur discours, leur volonté, et finalement, justement, ce que l'on retrouve dans les images. Et finalement, pour moi, ce qui m'importe vraiment comme source principale, eh bien, ce sont les images elles-mêmes, qui ne parlent pas d'elles-mêmes, hein, clairement, mais qui peuvent donner des éléments de compréhension propres à ce médium qu'est l'image. Et je crois que l'histoire de l'art permet véritablement de se poser des questionnements qui vont au-delà de la question simplement des sources écrites. Donc vous posez finalement autant la question de ce qui apparaît que de ce qui n'apparaît pas, un peu une définition en négatif du contexte. Tout à fait. Et donc pour conclure, si on a un auditeur qui souhaite découvrir davantage ce sujet après le podcast, est-ce que vous auriez des ouvrages ou des chercheurs à lui conseiller? Oui, bien sûr. Alors, sans doute l'ouvrage et le chercheur d'ailleurs le plus connu, en tout cas en France, sur ces sujets-là, c'est Serge Grusinski et son ouvrage vraiment de référence qui s'appelle La pensée métisse et qui est un ouvrage vraiment très accessible qui permet justement de commencer à se poser un certain nombre de questions. Et pour moi aussi, ça a été un peu par ce bout-là que je l'ai pris, c'est-à-dire d'abord se poser des questions, regarder les images, voir tout ce monde des possibles qui s'offre à nous. Et Serge Grusinski eh bien, le montre très bien. Il y a aussi eu une bande dessinée qui est sortie il y a peu de temps. J'avoue que je ne l'ai pas encore lue, mais qui a l'air d'être super. Beaucoup de personnes en parlent, en tout cas autour de moi, qui s'appelle Les Sentiers d'Anahuac et qui parle précisément de cette période d'évangélisation et notamment d'un franciscain qui s'appelle Bernardino de Sahagún et de son apprentissage des langues et des coutumes autochtones. Et si jamais quelqu'un voulait se lancer dans la recherche de l'art colonial espagnol, il y a encore à faire? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, hein, déjà, bien sûr. Mais en même temps, je crois que justement, l'histoire de l'art peut nous permettre d'aller plus loin que uniquement les questions historiques et vraiment de s'intéresser aux images en tant que telles. Il y a encore énormément à faire parce qu'il y a énormément de couvents et donc énormément d'images coloniales. D'accord. Eh bien, Morgane Trou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et pour nos auditeurs, on se retrouve au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode des coulisses de la recherche. Si le sujet vous a intéressé, gardez un œil sur les conférences de cette année ou de celles à venir organisées par l'association Athéna. C'est peut-être l'occasion de découvrir d'autres travaux passionnants et de plonger plus loin dans le monde de la recherche en histoire de l'art. Toutes les informations sont disponibles sur notre Instagram ou sur notre site www.athenaso.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.